Comment dit-on savoir? Saber. Saber, oui. Et est-ce que vous le savez? Vous posez la question à usted. Lo sabe. D'accord. Hein? Lo sabe. Lo sabe. Et est-ce que tu le sais? Lo sabes. C'est ça. Lo sabes. Et est-ce que vous le savez? Cette fois, vous posez la question à ustedes. Lo saben? D'accord. Lo saben? Nous le savons. Lo sabemos. Lo sabemos. Hein? Mais je sais est une exception. Hein? Au lieu de sabo, c'est tout simplement sé. Hein? Donc, lo sé. Hein? Je le sais. Et sé s'écrit tout simplement S-E, accent aigu. Hein? Sé. Alors, je ne le sais pas, c'est. No lo sé. No lo sé. D'accord. No lo sé.